d'entendre Electric Prune avec I Had Too Much to Dream. Mon ami Pierre Mikhalov et Crime Shine Shine dans nos battles avec Newton, Graven et Jenjari. Nous éprouvons quelques problèmes langagiers, comme d'habitude. Alors, atelier d'improvisation, le temps nous paraît venu de disséquer et de vulgariser auprès des enfants les grands moments de l'actualité. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que Suzanne, Marianne, Chloé et Virginie, allez réveillez-vous tout petit. Comment ça qu'il n'y a pas d'hommes là-dedans? Ben, parce que c'est des femmes monoparentales. Oh! Nous, on est stéréo? Oui. Oui, c'est carré, elle est en stéréo et heureux de l'être. Vous diffusez comment? Ben, avec l'oreille droite et l'oreille gauche. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Bon, OK. Ça, c'est l'oreille gauche. Ça, c'est l'oreille droite. Hé, vous êtes en vraiment stéréo? Ben, voyons. Depuis quand? On demande à nos adhérents. Ça vous coûte 25$. On va baisser. Baisse le ton. Ça vous coûte 25$. C'est pas n'importe quoi, ça, là. C'est de la stéréophonie. Plus c'est stéréophonique, plus c'est amusant, plus c'est aérodynamique au niveau intellectuel, puis surtout au niveau sonore. Vas-y, mon petit trésor, va réveiller les enfants. Oui, OK. Mon Dieu, elle a l'air elle-même très jeune. Ben, je suis la gardienne. Ah, vous êtes la gardienne? Oui. Vous avez quel âge? 19 ans. Bon. Alors, est-ce que tu peux aller réveiller? Je vais. J'y vais et je reviens et je les reprends. OK. Pendant ce temps-là, nous allons vous raconter un peu. Maintenant, voici le maître qui nous maîtrisera jamais. Maintenant, voici le maître qui ne maîtrisera jamais l'essentiel, le personnage préféré des Boutchous, mon oncle Rérénal. Bravo, mon oncle Rérénal. OK, merci. Alors, au Québec, est-ce que tous les enfants sont là? Faites un demi-cercle. Un demi-cercle. Bon. Premièrement, là, c'est une émission actuellement. Là, c'est un bloc qui... je sais que ça paraît étrange à cette heure-là. Là, minuit. Il est quelle heure, là? Il est minuit... Minuit chrétien! Ben non. Ben non, c'est pas le moment. Là. Non, il est une heure huit, neuf, hein? Alors, bien sûr que vous êtes peut-être un petit peu fripon, les enfants. Non, je suis fripé. Fripé, vous êtes fripé? On est fripé. Bon, ça va mieux? Ça va pas bien. Bon, OK. Alors, restez tranquille, OK? Mon oncle Rérénal va tout vous raconter l'actualité, mais en bref. C'est-à-dire, ça durera pas longtemps. Puis, on va vous renvoyer dans le four après pour vous rendormir. Dans le four? Ben oui, avec les tipins. Oh, c'est beau. Oui, les tipettes aussi, là, parce que moi, je fais des tipettes, je les sors, pour ça, je mets du cremage. Mais si vous les mettez chaud, le cremage va rentrer dans le tipette. Puis, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas joli, mais c'est bon en petit péché. Essayez ça. Mettez du cremage immédiatement quand le gâteau est chaud. Oh, c'est délicieux. Mais c'est esthétiquement, là, c'est pas réussi. Puis vos invités là n'aimeront pas ça. Puis vous risquez de plus les revoir si vous voulez plus. Si vous voulez une seule visite, faites ça. Mais surtout si vous voulez plaire à une jeune fille, faites pas ça parce que c'est pas très bon. Alors la commission brise ta craque. Ben oui, ben il y a la télévision ici au Québec, hein, un comité. Il y a c'est des gens qui coûtent très cher là. C'est pas donné, c'est pas des commis de dépanneur, là, c'est pas des épiciers, c'est pas des bûcherons là. C'est des gens qui ont fait des hautes études pour escroter les gens. Escroter les gens, là, c'est aller chercher beaucoup de sous. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup, c'est plein. Alors donc, cette commission-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est une commission d'enquête qui doit étudier le processus de nomination des juges. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment ça qu'ils ont appelé ça commission Bastarache? Mais c'est le juge qui s'appelle Bastarache. Et sa grand-mère chantait, « Eh, Bistaliche, Bistalache, vous voulez se marier? Eh, Bistaliche, Bistalache, vous voulez changer de métier? » Ben là, ben, il a essayé d'être propriétaire de clubs vidéo pour nos enfants, mais il avait pas assez d'enfants, donc il a changé ensuite son fusil d'épaule. Il a été soldat, mais qu'on l'a jamais connu, ça a été le soldat inconnu, on connaissait pas trop ce bonhomme-là. Et par la suite, ben, on a voulu le faire pâtissier, parce qu'on sentait que la levure levait. C'était un précoce à l'époque. Et bien, lui, il a pas voulu. Il dit, lui, ce qu'il voulait, c'est, on va faire de l'argent, ben oui, mais toi, t'as pas d'éducation. L'éducation, on va subtiliser des... Moi, subtiliser. Oui, mais subtiliser quoi? Subtiliser des choses, là, des renseignements, subtiliser des connaissances générales de la matière grise des individus qui en ont. Ouais, mais là, ça dépend. Est-ce que c'est au Québec que tu veux aller puiser, mon cher? Ben, est-ce qu'on peut puiser ici? Ben, il y a quelques intellectuels, là. Ils sont bien cachés, puis c'est plus des politiciens, ou c'est pas des politiciens, ou c'était des politiciens, mais qui ont changé leur fusil toujours de fusil d'épaule. Mais là, c'est des hautes études, ça, là, être avocat. T'es-tu prêt à ça? Ben, moi, je suis prêt absolument à rien. Moi, je suis prêt à faire de l'argent. Ben, tu pourrais vendre de la drogue. Ouais, mais c'est ça. Moi, je vais arrêter ces gens-là, puis prendre leur drogue. Ouais, c'est pas très sage. Ouais, mais c'est juste un message, ces affaires-là. Là. Pourquoi t'as mis de l'écho, puis il y a deux formules? Normalement, t'as jamais fait ça, toi, je le sais. Mais là, je me complique la vie, et je le sens. Bon, alors là, la commission Bastarache, OK, elle doit être là pendant des semaines, écouter des gens, des ministres, des premiers ministres, un premier ministre, Jean Charest, notre premier ministre du Québec, est passé devant ce tribunal-là. Mais approchez-vous un peu, les enfants, là. Qui a nominé le juge Bastarache, vous croyez? C'est le Père Noël! Ben non, c'est pas le Père Noël. Père Noël n'existe pas. Hein? Mais non, ça n'existe pas. Hey, toi, fais pas pleurer l'enfant. Ben oui, mais il est trop tard, il pleure, là. Le Père Noël existe. Ben voyons donc. Depuis quand le Père Noël existe? Ben, c'est ben, il va avoir des cadeaux. Ben, les cadeaux, c'est ton père qui t'a fait, là. Mais j'ai pas de papa. Ben, ton troisième père. Non, j'en ai quatre. Ton quatrième père. Bon, il va avoir beaucoup de cadeaux. Ben oui. Tu crois que c'est le Père Noël, là? Change d'idée. Peux-tu changer mon fusil d'épaule? Ah ouais, donc pour une troisième fois, change là, ton fusil d'épaule. Ça fait que... Mais c'est ça! Alors donc, cette commission d'enquête-là hein, est là pour rencontrer des individus et nous dire, parce que Marc Bellemare, qui est là-dedans, qui est mêlé à ça, lui, ce qu'il veut, hein, parce qu'il dit que c'est pas normal que le premier ministre place des juges qui vont plaider. C'est pas lui à faire ça. Là, il dit qu'il y a eu des pots de vin, puis il y a eu, de la veuve Plitot. Ah, bon, ben ça, c'est du champagne, hein? Ben oui, il est mêlé dans le champagne, là, là. Alors, là, c'est ça. Actuellement, au Québec, là, on vibre là-dessus. La commission baisse ta craque. Y en arrache pas, c'est Bastarache. Mais en France, ça, c'est autre chose, les enfants. C'est l'affaire Nick Lacour, fais l'amour. Bettencourt. Ça, à l'origine, là. À l'origine, ben, c'est la fille qui, le 19 décembre 2007, Françoise Bettencourt-Meyer, qui est la fille unique de Liliane Bettencourt, qui est une vieille dame. Oh, bonjour, très cher, vous voulez l'enveloppe? Ben, s'il vous plaît, la plus pépaisse. Ben, je vous donne ma fille, elle est pas simplement pépaisse. Ben, allez-y, je vais la prendre avec plaisir. D'accord, vous pouvez partir avec. Est-ce qu'elle va amener l'enveloppe? Elle va amener toutes les enveloppes. Ah, ben, c'est gentil, madame. Alors, Liliane Bettencourt, elle porte plainte contre François-Marie Bannier, qu'elle accuse d'avoir abusé de la faiblesse de sa mère, la dépossédant de pas moins de 1 milliard d'euros, c'est-à-dire en moins de 10 ans. À 87 ans, la pauvre dame, Liliane Bettencourt, est une des premières fortunes au monde avec un portefeuille. Là, ça rentre pas dans un portefeuille, tout ça, là. 22 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça? Ben, c'est une bonne dame, hein? Oui, une très bonne dame. J'espère qu'elle est bonne. Est-ce que je peux y goûter? Non, mais moi, je prendrais l'enveloppe numéro 3, si c'est possible. Là, c'est la plus, hein? Oh, non, mais je crois qu'on s'est mis dans le trouble. Oh, non, on est dans la misère. Oh, misère. Misère. Même Brière me disait ça. Vas-y, André. 1, 2, 3. Au niveau tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Il y a des journées très longues. Ah, c'est vrai. Où ça va vraiment mal. Ah, ça va pas bien. Il y a juste des comptes qui tombent. Ça tombe. Dans ta boîte à mal. T'essayes de discuter. Oui. Avec la dame du téléphone. Allô, madame? Vous avez 2 jours pour payer. C'est pas vrai. C'est pas même le fun. On est dans la merde. On est dans la merde. Ça fait déjà 3 mois que t'as pas travaillé. Aujourd'hui, tu y vas, t'as l'air bien décidé. Au bureau du BS, On sert le numéro 22. Mais il y a du monde à la messe. T'as le numéro 102. On est dans la merde. On est dans la merde, les mecs. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde, Justine. On est dans la merde, vas-y, chante ma Justine. Ça n'a pas été là-bas. On est dans la merde. Ta blonde est ben tannée, de t'entendre chialer tout le temps. C'est habitué. Elle trouve que t'as bien changé. Ah oui. Puis t'as plus le même swing qu'avant. J'ai swing. Tu passes tes grandes journées. Je sens le swing. Foiré sur le divan. Ah ben on est mieux de même. Nourri, logé, lavé. Ah. Puis tu y louais de l'argent. On est dans la merde. On est dans la merde. Un peu. Tu te dis, ça se peut pas. Toi qui fais toujours de ton mieux, tu comprends pas que ça marche pas. La source de tes problèmes doit être dans la société. La société. Je te gage que c'est le système qui est pas fait pour toi. Devant ce grand mystère, tu fumes un gros pétard. Ah non, on a pas de droit. Tu débouches une bonne bière. Ah oui, ben là on peut. Puis tu sors ta guitare. Oh, allez, voilà, c'est là que ça sonne à porte. Ah non. C'est qui encore Calvin? C'est Juliette. Ben, c'est monsieur la porte là. Votre propriétaire. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Et ça peut initier un étudiant qui veut pas se farcir des œuvres de 600, 800 pages ou peut-être un peu plus obscures comme non pas Marguerite Duras, mais Marguerite Yersenar. Très, très obscure, le mot noir. Bon, les étudiants peut-être en arrachent pour ces auteurs-là, mais d'un autre côté, il faut passer par les grands pour, à un moment donné, comprendre la littérature en général. Mais pour revenir à toi, les mots se sont amenés tout à fait naturellement, ou au contraire, tu as été un académicien, tu as étudié la littérature et tranquillement, tu t'es dit, mais moi, je vais m'ouvrir un segment de création qui n'existe pas. Ouais. Non, alors, moi, je suis complètement autodidacte parce que j'ai quitté l'école très tôt. Enfin, on m'a aidé à quitter l'école très tôt. Tu as ton bac? J'ai même pas mon bac, je suis parti en seconde, en fait, parce que j'étais... Comme François Truffaut, dans le fond. Hein, voilà, c'est... un peu comme Truffaut. Okay. Et Truffaut, il avait une opinion très, très particulière sur l'école. Il disait qu'il valait mieux faire au plus vite. Il disait que pour un jeune, il vaut mieux faire au plus vite des petits boulots et connaître l'existence. L'école de la vie. À l'école de la vie, que de rester étudiant jusqu'à 25 ans. Et lui, il était un peu contre les études supérieures. C'est vrai qu'il s'en est pas mal sorti et qu'il y a plein de moyens d'étudier. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. En fait, c'est de rencontrer aussi de la littérature, rencontrer des gens, rencontrer des gens, rencontrer voilà. Le cinéma. Rencontrer... Alors au départ, moi, j'ai rencontré la musique. J'ai toujours écrit, je me suis toujours intéressé à la littérature en commençant par les sous-genres, par les genres qui sont décriés, la science-fiction, la bande dessinée, toutes ces choses qui ont mis du temps à être acceptées. Comme ça, Gainsbourg. Voilà. Par l'art mineur, voilà. Et maintenant, je trouve qu'on en fait un peu trop. Maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'on met sur un piédestal la bande dessinée, le roman noir, la science-fiction. Et on l'amène au grand public, mais je trouve ça dommage parce que je préférais quand on était un petit clan de passionnés. Select et fermé. Ouais, et finalement, il y avait plus de liberté chez les auteurs, alors que maintenant, comme les auteurs de romans noirs, de bandes dessinées et de science-fiction savent qu'ils s'adressent au grand public, ils ont tendance à faire une littérature beaucoup plus édulcorée, beaucoup plus banale. Oui, voilà, accessible. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est un autre débat, mais, Mais donc j'ai commencé par là et je trouve que en général les professeurs, à part quelques-uns de français, parlaient très mal de la littérature et donnaient pas du tout envie de lire. C'est vrai. Et au Québec aussi. Et voilà, c'est un problème assez général. Hein. Il faut avoir un bon prof de philosophie pour vous amener autre chose, vous amener une autre structure de philosophie pour s'y attarder et surtout pour s'y intéresser. Parce que si tu commences à parler de Platon, il y a Michel Leb qui était professeur de philosophie, on l'a foutu dehors. Parce qu'il était trop extravagant, il faisait des bandes dessinées, il faisait parler ses personnages, il faisait parler Platon, et à un moment donné, le professeur du lycée l'a foutu dehors. Parce que ça... Il était en avance, ouais. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. CKRL cultive tes goûts. Nous venons d'entendre André Duchesne avec On est dans la mixture étrange. Pierre Mikaloff et Alain Bachung, résident de la République à CKRL. Excellent. Et que c'est beau. Je me fais plaisir, là. J'espère de vous faire aussi un grand quoi? Un grand bonheur. Oh, c'est le bonheur, c'est l'amour, mon frère. Ma sœur aussi. Seul au monde, je ne cherche que toi. La liaison est dangereuse. Les liaisons sont si nerveuses que je ne peux vous poser comment vous poser? Je ne peux vous poser cette question. Vas-y, pose-la ta question. Madame Bélanger, ça fait déjà 3 semaines que je vous regarde entrer et sortir de votre immeuble, qui est quand même, soit entre vous et moi, là, on n'en parlera pas à personne, qui est très marron, hein? Non, il est brun. Non, mais on dit marron. Il est marron brun. Êtes-vous marron brune? Moi, je suis Toisendan. Oh, vous faites de la... C'est quoi ça? C'est une constipation au niveau du langage. Non, êtes-vous... moi, j'étais. Bon, je vous observe. Hein. Oh, vous aimez ça? Ben oui, vous êtes un voyeur. Ben, un voyant, là, je vois. Je vois, je vous vois. Mais c'est normal, je suis là devant vous. Ben oui. Alors, c'est ça, je vous observe, madame, et je vous trouve tellement classe, là, avec une grande vous êtes fini, hein, dans le fond, là. Vous avez de la misère à vous réunir vous-même. Ben là, j'ai... attention, vous, là, il y a Jean-Marc. Oui. Qui est mon genre. Oui, vous avez un genre qui ressemble un peu à... Non, mon genre, ma fille. Oui. Ben, mon genre. Votre genre. Mais c'est pas mon genre, moi. Non, pas le genre, là. Vous savez, c'est la... Ma fille a un homme. Oui. OK, elle a eu un enfant. Ben, un homme. Mais non, c'est pas un homme, un enfant. Voyons donc. Comment vous appelez ça? Ben, c'est un garçon. OK, alors donc, votre fille a un garçon. Mais non, elle a un homme. Ben... OK. Alors là, cet homme-là, c'est un genre. C'est pas un genre, c'est un gendre. OK. Alors, c'est un genre de gendre, OK. Et ce genre de gendre-là, OK, ben, il me plaît beaucoup. Ben, Alors, vous seriez prête? Mais ça s'est déjà vu. C'est dans les vies. Vous avez... Écoutez-vous des lignes ouvertes? Non. Mais dans toutes les lignes ouvertes, il y a du monde malade. Comme vous, madame. Comme des malades, là, qui appellent. Bonjour. J'ai un problème érectile. Qui? Érectile? On n'a pas ça ici. Voulez-vous rappeler plus tard? Non, érectile. Non, j'ai un problème. Ben là, vous êtes à bonne place. Pouvez-vous m'aider? Ben, on peut. Attendez 30 secondes sur la ligne. On va vous passer un psychanalyste. Est-ce que je pourrais un psychiatre? Ben, là, c'est des pilules, ça. Ben, s'il vous plaît, un psychiatre. Ben, vous voulez ces pilules? Ben, si. Est-ce que c'est possible? Tout est possible ici. Vous écoutez la radio du possible et dans l'impossible, on connaît pas ça, nous. On fait partie d'un monde, là, OK? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous avez l'oreille? Dans la moustique. Oui, y a-tu des abeilles? Oui, ça pique ma curiosité. On dit pas le sang, non, c'est l'acoustique. L'acoustique. Est-ce que vous pouvez acoustirier et vous pourriez dire rapidement ce que vous... Parce que moi, c'est 5 scènes la seconde. 5 scènes la seconde? En euros, je sais pas, là. Est-ce que j'ai mon diviseur 5 cents en euros? Ça doit être 0.0 francs, je sais pas. C'est tant de francs, mais comment ça? Je suis en train de faire à longue distance. Ben oui, vous êtes sur le réseau français. Merde. Oh oui, on comprend bien. Vous êtes... Merde. Est-ce que je peux raccrocher? Ben non, restez, vous allez passer en onde. Comment ça s'appelle, la radio? CKRL! Ben oui, mais CKRL, c'est québécois. Ouais, mais c'est via les ondes françaises et on revient avec le Québec, donc ça vous coûte double tarif. Je me suis mis dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Est-ce que Johnny est là? Johnny la merde. À force de coûter dans mes mains des bidards, à force de creuser mon colis jusqu'au bar, à force de commander des bières en fontaine, je ne vois que Brigitte, elle qui défonce... Qui défonce le succès? Qui défonce le succès? À force de brasser dans mes mains des bouloirs, à force de me brûler dans tous les chemins bizarres, à force de te voir ainsi comme une aimant, je ne vois que le mot au pied de la lettre. Ouf. J'ai oublié de me laver les pieds. Hier, je me chamaillais avec un sac à ordures. Ça commence toujours comme ça, les révolutions. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Alors, on demande à Suzette Lacaille, cuisinière, de venir ici. Suzette Lacaille. Ah, mon douce, moi, j'ai gagné quelque chose. Non, rien encore, là. Ah, j'ai gagné une notoriété. Une certaine... Effectivement, madame, vous êtes merveilleuse. Ben, j'écoute votre émission régulièrement. Vous êtes tellement bon. Merci. Vous m'avez goûté? Ah, je vous ai goûté en sautette. En sautette. Est-ce que c'est le frère de Claude Sautette? Non. Claude Sautette, c'est qui? Madame la crêpe, Claude Sautette, frère de Claude Sautet, grand réalisateur, homme du 7e art, être qui maîtrise la caméra autant que moi je maîtrise la fourchette. Oh, vous avez une bonne fourchette? Ah, j'ai une très bonne fourchette, moi. Oh, alors vous voulez que je vous prépare quoi? Mais rien, madame. Madame, aujourd'hui, là, c'est votre fête. Oh, mon doux Seigneur! Pourtant, c'est le 17 mai. Ben oui, 17 mai, mais aujourd'hui, nous sommes quoi, là? Nous, c'est le temps, oui. On cherche... On, nous sommes quel jour? Nous sommes vendredi... Ah, déjà là. Hey, on est bien parti, là. Vendredi, le 22 octobre. Nous sommes le 22 octobre, Suzette. Oh, vous m'appelez Suzette. Ben, vous vous appelez Suzette? Oui. Est-ce que vous pouvez reculer un peu? Je recule! Parce que là, les gens, là, faut qu'ils... Faut Kiki, hein? Kiki, est-ce que tu le sais? Ben, je sais tout. OK. Alors, Kiki, tu sais que Suzette est loin? C'est moi. Et moi, je suis en avant. Ah, oh, ben, on savait tout ça, là. Voyons d'autres. Jean-Marc, penses-tu que c'est la première fois qu'on écoute Flatulence Bernardienne, là? C'est bananienne, les bananos. Les bananos sont cuites. Les bananos, c'est pire. La bataille, les bananos, c'est pire. Swing, la baguette, en fond, la fing, la baguette, la wet, la boire. Êtes-vous prêt? Oui, oui. Ah, on n'a pas fini. Alors, Suzette. Oui, c'est moi. Mais le monsieur est parti, hein? Oui, oui. Puis il part. Il part souvent. Il part, mais il ne revient plus. Tant mieux. On prend toujours un départ pour le couloir au bout du quai. Branle les voies, les morts noirs. Non, c'est les forêts noires. Madame cuisinière, vous êtes cuisinière? Oui. Oui, je connais. Oui. J'ai oublié le micro. Il y a des problèmes, là. Nous avons des problèmes techniques à soir. Ce soir. À force de faire mes fantaisies, j'aimerais bien vous raconter l'histoire de Suzette. C'est moi! Voyons, c'est... Enrez-vous! Calmez-vous! Hé, hey, je suis tellement énervé! Oui. Désarmez-vous. OK, alors, est-ce que je peux mettre mes couteaux, mon fusil, et puis mon drag queen à côté, puis mon libido... Votre libido? Non, mon bildo! Ah, votre bildo! Je connais pas ça. Je connais pas... C'est quoi un bildo? Non, ben, c'est un plaisir très, très féminin. OK, mais laissez-le votre bildo. Ah, ça, non, madame! Madame, c'est pas un bildo, c'est un dildo. Puis est-ce qu'il est vibro? Ben, tu connais pas la différence entre une machette et un dildo? Une machette? Non, ben, premièrement, là, j'ai jamais touché à ces choses-là. Là. Ben, est-ce que, regarde, il y a le vibro, il y a off et on. Off et on. Hey, j'aimerais savoir, là, écrivez-moi sur Hotmail, renaldquebec@commercial.hotmail.com, OK? renaldquebec@commercial.hotmail.com. Si vous avez cet instrument-là, prenez-le en photo. Tout le monde a une caméra numérique. Prenez-le en photo. Envoyez-moi ça. Pas de votre visage. Je veux pas avoir votre face. Mais votre affaire, là. C'est toujours surdimensionné, cette affaire-là. Hein? Tu compares ça à quoi? Pardon? Tu compares ça à quoi? Ben, à moi, là. Ben, toi, c'est miniaturisé. Ouais. Ils m'ont jamais demandé de faire mon propre libido. Le dildo. Ouais, c'est ça. Comment ça? Ben là, ça dépend. Hein? Ça dépend de quoi? Ben, premièrement, t'as-tu gagné des premiers... Est-ce que t'es dans le milieu du trash? Je crache très fort. Très loin, plutôt. Pas très fort, mais très loin. Non, c'est pas ce trash-là. C'est du trash. T-R-A-S-H. Oh. Comme Sandy Trash. Oh, oui, la chanteuse Sandy Trash. On a passé à un cheveu. Quand je te dis, là, excusez-moi, madame, vous êtes bête? Oui. Oui, j'en ai parlé. Je sais pas si c'est au premier bloc ou au deuxième bloc ou au troisième bleu. Troisième bleu sous l'œil. Mais, ouais, c'est ça, j'en ai parlé. Mais, madame la crêpe, J'ai passé un cheveu. Est-ce que je peux vous voyer? Tutoie-moi. Alors, est-ce que je peux vous tutoyer? Tutoie-moi. Vous vois-moi. Mais, Sandy Crash, si vous S-A-N-D-I-E, espace, T-R-A-S-H. Allez voir sur Internet. Une reprise de Gene B. Je la fais jouer, puis là, je me dis, si je la diffuse trop souvent, les gens vont dire, mais c'est ça, hein? Ils ont une petite histoire entre eux autres. Oui, oui, mais on a passé à un clin d'œil de s'encontrer là-bas. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est que, je sais pas, là, elle devait enregistrer un truc, puis on s'est perdu de vue, puis le regard s'est décroisé. Mais vous, madame, je veux pas non plus laisser la place à Sandy Trash, c'est pas encore son temps, mais bientôt, nous l'aurons en entrevue. Mais madame Suzette. Oh, j'aime tellement ça quand vous m'appelez de même. OK. Madame Suzette, vous avez pris le micro? Oui, mais j'aime ça parce qu'on m'entend pas très bien, hein. Vous, c'est pas important, c'est vrai, ça. Ça n'a jamais été important. C'est moi la vedette. Ah, c'est vous la vedette, madame. On vous aime. Est-ce que je peux vous embrasser? Ben, allez-y. Bon. Ah, mon Dieu! OK. Oui, madame, oui. Vous êtes mêlée. Un peu. On dirait que je conflue, moi, là. Je bidonne, puis je conflue. Ah, oh, mon Dieu! Je sais pas si... Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que vous pouvez ventiler? Avez-vous de la soupe au poids, monsieur Thibodeau? Faut ventiler un peu. Mais, ma belle Suzette, c'est moi. Bon, madame Suzette. Alors, vous êtes cuisinière. Ben oui, c'est vrai. Depuis à peu près dans ma carrière, là, j'ai commencé dans les années 60. Oh, à tourner? Non, mais nous, on dit... excusez-moi, monsieur Bernier. Gagné. Mais, oui, monsieur. Nous, on appelle ça touiller. Hein? Tourner, c'est touiller. C'est pour ça qu'on est entouré d'entouilles. Oh, nous, c'est des andouilles. Ben, c'est la même chose, hein. Parce que eux me disent, allez, tourne. Allez-y, arrêtez mes entouilles, je vais vous entourer. Oui, là, tu tournes. Puis, quelque chose de très important, vous savez, oui, j'ai passé un cheveu de faire un petit roux en micro. Mais c'est pas très bien, il faut pas faire ça à la maison, s'il vous plaît. Éloignez les enfants. Ils dorment, là, hein? Les petits-enfants sont pas là. Mais normalement, là, il y a juste Mme Tremblay qui fait boire sa petite fille de 15 ans, là, avec de la grosse bière. C'est pas normal, ça! Est-ce que c'est moi la vedette? Oui, oui, excusez-moi. Alors, oui, c'est ça. La béchamel. Si vous voulez réussir une béchamel, ne jamais, quand vous commencez, là, tourner de droite à gauche, ne jamais changer de gauche à droite. Sinon, vous allez faire cailler votre béchamel. Et ben on dit, nous, dans le milieu, parce que vous n'êtes que des néophytes. Oh! Nous, on dit rater la sauce. Oh, OK. Rater la sauce. Ben, c'est très comprenable, hein? Non, vous comprenez rien. Rater la sauce. Ben, ouais, je comprends, mais ça veut dire manquer. Non. Rater la sauce, ça veut dire louper quelque chose qu'on aurait pu avoir. Oh, OK. Oh, c'est pas n'importe quoi, hein? Alors là, oui. Êtes-vous dans le Michelin? Oui, mais souvent, on est dans le Michelin. On l'ouvre, là, puis on regarde les bons restaurants, puis on essaie de voler les recettes. Oh, c'est pas bon, ça. Pourquoi voler? Parce que voler, c'est quand même amener aux enfants des mauvaises idées, puis il faut pas. Vous avez entièrement raison, monsieur, puis on continuera pas là-dedans. Puis on voudrait s'excuser auprès de tout le monde qui voudrait continuer dans ce chemin. C'est pas beau! Puis sinon, on va taper Foufoune! Oh, taper Foufoune avec Suzette? Oui! Suzette la crêpe. Cuisinière! Bravo, madame Suzette. Oh, il y a eu comme un trou, hein? Oui, il n'y a pas qu'un eu. Il y a eu un trou. Il y a eu un trou. Ça, c'est des trous Suzette. Non, c'est des crêpes Suzette. Oh, vous êtes bon. Merci. Tu te sens rocker quand tu roules des genoux, quand la musique joue. Tu secoues ton cuir sur ton jean serré, ta coiffure comme il est. Mais tu sais qu'au fond, ce n'est qu'un écran. Tu rejoindras les pauvres dans moins de 200 ans. T'as ma façon que ponce sous sa jupe de sky, ses cheveux en bataille. Tu bois de la bière en boîte en t'en mettant partout, et ça te rend trop sous. Mais tu sais qu'au fond, ce n'est qu'un écran. Tu rejoindras les pauvres dans moins de 2 ans. Can you see my life, man? Can you see my life, man? Can you see my life, man? Parce que c'est un artiste qui a beaucoup marqué les années 80. Et toute la génération de journalistes qui actuellement écrit dans les Inrecuptibles, dans toute la presse culture, les intellos, ils viennent de cette génération-là et ils connaissent et ils aiment Jacquenot. Okay. Et donc, dans les Inrecuptibles, par exemple, il y a eu un article, tout ça, à sa mort. Un bel article. Mmh. Et... Il a fait combien d'albums, Jacquenot? 6-7? Ah, il en a fait beaucoup, ouais. Il s'est joué avec Élie Medeiros. Alors, c'est ça, il y a eu Élie et Jacquenot, ça c'est une super période. Est-ce que tu peux le redire avec les accents? Alors, Élie et Jacquenot. Ah oui, ok, oui. Élie Medeiros qui est. Élie Medeiros, voilà, Toi, mon toit, énorme tube dans les années 80. Oui, oui. Et avant, elle avait ce groupe Élie et Jacquenot. Et encore avant Élie et Jacquenot, il y avait ce groupe qui s'appelait les Stinky Toys, qui là était vraiment un groupe punk parisien. Avec vrai punk là. On associe les Taxi Girls à la musique un peu punk, mais c'est plus pop que punk. Non, Taxi Girls, c'est vraiment un groupe pop. Mais pourquoi on l'attribue punk? Parce que, si tu veux, ils viennent de la culture punk. Daniel Dark, c'était un fan de punk rock. Et son malheur, entre guillemets, c'est qu'il avait un manager qui les poussait à faire de la pop parce qu'ils savaient que le punk c'était pas une musique qui est commerciale et qui ferait rien. C'est pas donc, vendeur. C'était pas vendeur ni vendable. Donc il les poussait vers la pop. Et finalement c'est les managers qui a gagné. Okay. C'est vrai qu'ils ont fait des pubs, des tubes avec des morceaux pop. Et Jacquenot, on va revenir à Jacquenot. Voilà, et Jacquenot, bah c'est lui au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui aime la pop à la base, qui a toujours fait ça. Au début, il faisait du punk parce qu'il savait pas très bien jouer. Du coup, c'était la musique la plus accessible. Mais après, c'est quelqu'un qui est très fan de Françoise Hardy, de Gainsbourg, de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il s'est vraiment, vraiment éclaté dans la période Élie et Jacquenot, parce que là, ils ont fait la musique d'un film de Romère, par exemple. Ils ont fait la musique des Nuits de la Pleine Lune. Oui, oui. Et là, on sent que c'est une musique qui est à la fois... qui est très romantique. Elle est pas seulement rock. Non. Il y a quelques éléments rock, mais ça va vers autre chose. Ça va vers la chanson, vers des... Écoute, est-ce qu'on peut associer Jacquenot et Manset dans le côté médiatique, peut-être surréaliste? Et aujourd'hui, ce que ça donne, c'est-à-dire que Manset fait jamais spectacle, se présente jamais, on sait même pas de quoi il a l'air. Il a fait sa carrière là-dessus et on l'a réentendu grâce à Bachon. Alors, je trouve qu'on peut pas du tout les associer, parce que le paradoxe de Manset, c'est qu'effectivement, il est très secret, il donne jamais de concert, mais il a un public. Il vend des disques, Manset. Et Jacquenot n'en vendait pas. Alors que Jacquenot, il aurait rêvé de vendre des disques et d'être plus populaire, mais il y avait un blocage. Dans un délire cardiaque, je regarde ton sein qui bat pour moi. En plein vertige éthylique, je sens ma bouche qui boit pour toi. À la faveur d'un accord complice avec les étoiles, je t'emmène en douceur dans l'étoile. Les battements de ton cœur, ça ne déplaît pas. De ton cœur, ça me déplaît pas. Le monde commence à tourner à l'envers, dérapage incontrôlé, avec une certaine sauvagerie et sans pudeur, on se fait mijoter soudaine bestialité. Tous les fauves sont lâchés. Les battements de ton cœur, ça ne déplaît pas. Ah, les battements de ton cœur, ça ne déplaît pas. Cité cannibale, oxygène et luxure pour toi et moi. Folie carnassière, je te dévore de la tête aux pieds, sans négliger le centre de gravité. On ne mange que ce qu'on aime, et si néanmoins tu l'oubliais, de mon appétit ce serait le requiem. Quel battement de quel cœur, je me souviens pas. Oh, quel battement de quel cœur, je me souviens pas. CKRL, cultive tes goûts. Venons d'entendre les garçons bouchés avec Rock and Roll, Pierre Mikhaïlov et Jacques No, les battements de ton cœur. Toujours à CKRL, hein? La radio qui ose diffuser en Srenadienne. Como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj dorado. blocage, je pense, par rapport à son image qui, pour les gens, qui était un peu fausse, comme toutes les images publiques, mais les gens l'associaient à la branchitude, aux années palace, au milieu très parisien, très chic, etc. Alors qu'en fait, lui, il rêvait d'avoir un tube populaire, et là où il s'est le plus éclaté dans sa vie, c'est quand il a produit Jacques Higelin. Il a produit l'album Tombé du ciel. Et là, c'était vraiment le genre de milieu où il s'éclate, de faire de la bonne musique qui soit à la fois sans concession et populaire. Et accessible, surtout. Et accessible, ouais. Et tranquillement, on va revenir à toi et à l'écriture. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je veux m'implanter dans la littérature comme beaucoup d'autres? Crois-tu que tu peux offrir aux gens une bulle créative qui n'existe pas ou qui n'a pas encore existé? Difficile, ça. Comme Marguerite Duras l'a fait. Hein, ouais. Comme, Alors, écoute, je sais pas, je pense que moi, sinon je n'écrirais pas, évidemment, si je pensais que j'avais rien de plus, rien à apporter. Je pense que par rapport à des genres qui existent, j'ai déjà des regards qui sont un petit peu différents, qui me sont personnels. Tu es? Par exemple, moi, je m'intéresse aux uchronies. C'est-à-dire, tu prends un point de l'histoire, et à partir d'un certain moment, il y a une bifurcation. C'est-à-dire que tu prends plus le cours des choses comme elles se sont déroulées dans la réalité, mais tu imagines qu'à un moment donné, l'histoire se déroule autrement. Ok, tu rajoutes des personnages fictifs à travers la réalité. Voilà, où tu prends des personnages réels, mais tu fais bifurquer l'histoire. Par exemple, au lieu de dire que c'est les Américains qui se sont posés en premier sur la Lune, tu écris une histoire où c'est les Soviétiques. Ah, et donc, toute l'histoire qui en découle est différente. Ok, oui. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est en fait prendre la réalité et, comme sur un miroir, la déformer légèrement. Ouais, ouais. Okay. Donc ça, c'est un genre qui m'intéresse. J'ai une idée, j'ai un projet. J'ai un projet. Bah, c'est... Peut-être que tu viens de donner des idées à des Québécois. Peut-être que c'est trop tôt pour en parler, voilà. Non, mais c'est bien. Je ne vais pas donner d'idées aux Québécois. N'avons pas peur de venir en ce jour, faire enfin valoir notre condition précaire au sein d'un monde qui nous prive d'amour. Avachi du bulbe, permanent retardataire, ne trouve pas de place sur notre belle terre. Je les représente, même s'ils n'ont pas pu venir, car le temps est aujourd'hui trop lourd. Ineffable scandale, inénarrable calvaire de ce que la nature a choisi pour réfractaire à toute forme de dynamisme et d'ambition, je viens siffler ici qu'il faut faire attention. Je viens siffler ici qu'il faut faire attention. Car nous les mous, nous les lents, nous les ramollis du gland, n'aurons pas peur de venir un beau jour. Faire enfin valoir notre condition humaine au sein d'un monde qui nous prive d'amour. Avachis du bulbe, permanent retardataire, trouveront bien leur place sur notre belle terre. Je sais, je suis tout seul, mais je compte bien revenir un jour où le temps sera moins lourd. Et j'ai envoyé Stéphanie, mon ex. C'était disait autre chose, on les a eu. On a le public. Ça fonctionne bien, mon Alex. Continue. Je savais, vous vous dites comme ça, t'es beau champion. Bravo. Je te réembauche la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. CKRL, cultive tes goûts. Je veux entendre C'est quoi, fuck tes vents. T'es réprimé? C'est la chanson, c'est la même chanson. Pierre Mikhailov et Alex K avec nous et vous. Ça va bien à l'antenne de CKRL, la radio à Québec. La seule, la belle, celle qu'on aime. Merci d'être là. Effectivement. Mais là, il y a eu un petit problème, puis je... Bon, je voudrais vérifier, s'il vous plaît, ça vous dérange pas. Oui, d'accord. Mais on arrête ici. OK, comme ça. Je voulais être certain. Parce que là, c'est un nouveau truc. La seule émission où... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sous vos oreilles, vous avez rien senti, Madame Tremblay. Mais là, j'étais en train de brasser, moi, là, là. Brasser quoi? Brasser ma misère depuis 45 ans avec mon Raoul. OK, on n'a pas le temps, madame. Puis là, c'est vrai. Parce que nous voulons vous offrir un peu de septième art dans vos oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface sonore le film « Je vais bien, ne t'en fais pas ». C'est un film réalisé en 2006 par Philippe Lioret, adaptation du livre du même titre paru en 2001. T'as une autre idée? Toujours mieux que rester le cul sur sa chaise. Tu peux pas venir avec moi? À deux, ce serait mieux, non? Ben, à deux, je sais pas, mais avec toi, non. Ça risque d'être un trouble. Ben oui, la semaine dernière, Suzanne, qui nous a dit « Nous l'avons dans la poche, le contrôle. » Qu'est-ce que tu nous as fait, toi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, chaque soir, tout ira bien. T'as de la difficulté à écrire une ligne sans en sniffer une autre. Le problème, là, ça vient pas de l'écriture, ça vient de toi. Nous sommes notre propre problème. Le savais-tu, toi? Tu l'as jamais su. Mais c'est vrai que lorsqu'on se pose des questions, on risque d'entrer dans quelque chose de trop houleux à l'intérieur de nous, hein? Toi, tu t'es jamais posé ça, là. Tu te poses pas de questions, là. Combien de semaines je t'ai dit « je t'aimais », tu t'en rappelles plus? C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est là que ça se passe. Depuis quand de semaines je t'ai dit que je te désire? Tu changes rapidement. Ben oui, c'est le rôle du comédien. Hein. Depuis combien de temps? Je ne trouve plus le temps de te dire « je t'aime ». Oh, c'est là, c'est bon. Là. Depuis combien de temps qu'il est temps de s'arrêter ici? Est-ce un suicide collectif? Ah, non, mais c'est un arrêt. C'est la fin de l'errance rénalienne de ce 22 octobre 2010. Alors, je remercie tout mon public, vous, premièrement, m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes des courageux personnages. Vous pouvez aller visiter mon site Internet, les vidéos. Ben oui, parce que tout ce que vous avez vu là, actuellement, là, à l'heure où on se parle, c'est sur mon site Internet! Vous pouvez voir la bouille, ma grosse gueule qui... T'es malade? Ah oui, ma petite gueule qui... C'est comme l'histoire hein, de la grenouille à grand gueule puis à petite gueule. Mais non, c'est pas à grand gueule, c'est à grand gueule. Premièrement, c'est la grenouille à grand gueule. OK, mais tout le monde la connaît. Ben voyons donc, Rita, la sais-tu? Ben oui, non. OK, c'est l'histoire de la grenouille à grand gueule. Pas à grand gueule, c'est à grande gueule. À grande gueule. Alors donc, la grenouille à grande gueule rencontre un nénuphar. Je m'en souviens plus de la blague. OK, mais moi, là, on s'arrête là-dessus, mais bois, bois. C'est la grenouille à grande gueule. À grande gueule. Mais on se laisse avec Chili Gonzalez. Comme ça, ta blague. Oh, mais moi, j'ai un autre sur le tuba. Mais on est déjà en retard. Non, mais le tuba, tu la diras la semaine prochaine. OK. OK, c'est pas une blague, hein, la semaine prochaine. OK, l'histoire du tuba? Oui. Alors, Chili Gonzalez, il faut se retrouver hein, le 28. La semaine prochaine, c'est quoi, 28, 29, en tout cas. Chili Gonzalez avec So Want the Fuck, Pierre Mikhailov et Alain Leprest, ma chanson préférée, SDF. C'était Errance Rénaldienne, Rénal Gagné. À la semaine prochaine, si tout va bien. J'ai voulu éternuer en même temps. C'est beau, hein? On a cru une œuvre abstraite. Ben oui, c'est comme du Cucus Plang. Non, pas du Pipil Pam.

Oui, timidement, parce que... À l'invasion, peut-être un peu plus... Oui, ça, au Québec, c'est quelques centaines d'exemplaires. Ah oui, ben... Mais ça, ça existe déjà. OK. Ouais. Pour revenir à François Hardy, qu'est-ce qui t'a intéressé de nous proposer de nouveau sur François Hardy? Quel œil tu voulais... Mais alors, déjà, lorsque j'ai signé ce contrat pour faire une bio de François Hardy, il n'y avait rien sur elle. Il n'y avait rien de disponible. Tout était épuisé. Okay. On ne savait pas qu'elle préparait son autobiographie. Donc, c'est à quelle année? Bah, on a dû signer, je ne sais plus, fin, en 2008, je pense qu'on a signé. J'aimerais que ça cesse de se dégrader sans ABNF, F, S, D, F. Ce qui me blesse, S, c'est d'être soldé, D, pour pas baiser, F, S, D, F. J'ai pas d'adresse, S, rien à garder, D, j'ai pas le téléphone, F. S, D, F. Rien dans le caisse, S, S. Rien à fonder, D, D. J'ai pas de sous-chef, F, F. S, D, F. On me rabaisse, S, S. On veut me céder, D, D. En bas-relief, F, F. S, D, F. La politesse, S, S. Rien à glander, D, D. Je dis ça en bref, F, F, S, D, F. Même la comtesse, S, S. Ne m'en gardez, D, D. Aucun grief, F, F, S, D, F. J'ai trop de paresse, S, S. Pour musarder, D, D. Par votre fief, F, F, S, D, F. Chacun sa messe, S. S et ses idées, D, D, chacun sa lettre, F, F, S, D, F. Cultive tes goûts.